Alors, on va peut-être passer au premier extrait du film, qui est un extrait du prologue, donc Montbéliard, du début de la série. C'est un extrait peut-être pas 5 minutes. 4 minutes. Excusez-moi, j'avais oublié que j'avais coupé le son. Hop. Ah oui. Alors, moi j'essaie de me souvenir comment on éteint les lumières. On appuie ensuite. On appuie ensuite, c'est bon. Merci. Excusez-moi, j'aurais mieux fait de. C'était pour ne pas déranger tout à l'heure pendant les bruits, pour éviter les bruits informatiques, mais là. Ah, bah voilà. Oui, oui, c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est bon. Désolé. Dix cultures et un seul cerveau, chaque jour multiplié sur les tables de production, véhiculé par un titre voiture, le lion, sa cage et ses ailes, à travers ce pays étrange, d'aucune langue, d'aucune frontière, l'émigration. Cette production faite dans la région de milliers d'heures de travail, moi j'ai pensé la représenter ici par le corps fait de parties pour d'échappement d'automobile, le museau, une partie de poussée de camion, les quatre pattes d'une tôle travaillée, les bouts des pattes, les griffes, fait de supports de pompe de mobilette ou de vélo, la queue du fer forgé, le bout de la queue et la crinière en coulée de soudure. Sa cage. Le lion représentant la production, sa cage doit représenter le pays de Montbéliard. Le meilleur moyen de représenter cette cage, c'est de faire ce qui représente ce monument typique, c'est-à-dire le château de Montbéliard. Ce château fait avec des pots d'échappement de différentes marques d'automobiles. Ce pot a été déployé afin de donner cette paroi, travailler. Ceci a été mis en forme carrée. Ces coupoles, c'est des colonnes de direction. Ceci, c'est de simples fer carrés. Une tôle quelconque, travaillée de même que celle-ci, qui a été soudée pour donner le toit de ce château de Montbéliard. Ses ailes. Voici les ailes du lion, qui représentent les différentes sortes de travailleurs étrangers venus participer à la production. La colonie portugaise, très importante, bien structurée. J'ai aussi trouvé différentes colonies de travailleurs des pays de l'Est. Ukrainiens, géorgiens, bulgares, hongrois. Une petite colonie récemment arrivée, peu disséminée d'ailleurs, des Italiens. Une autre colonie très importante aussi, grande, forte, mais mal implantée, des Yougoslaves. Enfin, celle que je préfère, un Polonais. Thank you. Alors nous pouvons en venir à la mise en œuvre du projet lui-même. Nous avons évoqué les conditions de production. Effectivement, à l'origine, le fait que le projet est une commande donc de la ville de Montbéliard. Peut-être évoquer comment se sont faites les rencontres avec les communautés, différentes communautés, et comment progressivement l'idée des différents films, comment les idées ont pu s'imposer. Comment les rencontres sont passées? Ben, au début, je vous ai dit déjà pour Ripoyès, hein, c'est en confrontation avec la CGT. Alors au début, quand Gatti est arrivé, on lui a tout de suite présenté tous les gens qui collaboraient au comité d'action, au centre culturel de Montbéliard avec Ursel. Et donc il a fait de nombreux repas avec des ouvriers français de Montbéliard. C'était très sympa. Et puis ça a duré pendant 3 semaines, puis au bout de 3 semaines, Gatti leur a demandé, mais qu'est-ce qui serait bien pour vous de raconter dans ce film, etc., qu'on va faire ensemble? Et en fait, le centre culturel, sa pratique, c'était de faire des repas de retrouvailles. Donc tous les 15 jours, ils faisaient des énormes repas comme ça, et ils mangeaient ensemble. Et Gatti leur a dit, ah bon, il est sorti de là en disant, je ne vais pas commencer à faire un film contre la classe ouvrière française. Et donc, du jour au lendemain, l'hypothèse française a disparu du champ d'activité. Donc, il y a Radovan, on l'a croisé, parce qu'il y a une affiche qui témoigne de ça. Le premier Yougoslave qu'on a rencontré, parce que les Yougos à l'époque étaient un peu enfermés, mal vus par la population locale, parce que les garçons étaient très beaux et donc ils faisaient des ravages dans la population montbéliardaise, donc il y avait une sorte de racisme dès qu'ils apparaissaient, et c'est vrai qu'ils étaient absolument magnifiques, ils étaient tous des géants splendides, et donc c'était difficile, et puis ils étaient surveillés à la fois par le traducteur de l'usine et le traducteur qui était envoyé par l'Yougoslavie. Donc nous, on est rencontré en contact avec un traducteur qui venait de la Yougoslavie et qui nous a fait un très beau scénario, parce que lui, il devait écrire toutes les notes de service en yougoslave. Sauf qu'il n'avait qu'une machine à écrire française. Et donc, il disait, pour moi, c'est horrible. Parce qu'à chaque fois que j'écris un mot, il veut rien dire. Donc j'écris des choses qui sont complètement ridicules. Alors il nous a donné des exemples, on a fait la fiche. Et puis, au bout d'un mois, il nous a dit... je ne peux pas le faire, on m'a rappelé à l'ordre, etc. Mais je vais vous dire, quelqu'un avec qui pourrait le faire, c'était Radovan. Donc, il nous envoyait sur Radovan. Gianluca Zacchetti, il fait partie du... Ça, tout le monde connaît l'histoire de ceux qui étaient venus pour jouer de la guitare à Montbéliard et qui n'ont pas travaillé. Enfin, parce que juste ces 25 Italiens qui restaient quand on est arrivés étaient les 25 qui restaient de 800 qui étaient venus 2 mois avant. Et qui était mis avec des contrats, et comme les contrats n'étaient pas respectés, on dit à Peugeot, écoutez, il y a ça écrit sur le contrat, donc soit vous nous donnez ce qui est écrit sur le contrat, soit on s'en va. Alors Peugeot ne répondait pas, ils ont dit, ok, bon, on va partir, vous nous payez les billets, c'est écrit sur le contrat. Peugeot a refusé de payer le billet, ils ont occupé un train, ils sont rentrés en Italie. Et donc les 25 qui sont restés, c'est les 25 qui ne pouvaient pas faire absolument autrement, quoi. C'était donc et alors Gianluca avait déjà proposé des projets au centre d'action culturelle, et donc on l'a croisé comme ça. Après quand c'est avéré que la piste émigrée allait être favorisée, ça, le géorgien je crois que ça a été un peu volontariste, on aimait bien l'idée qu'il y ait quelques nationalités de l'Est, et puis c'était probablement un film, je me suis dit, qu'on n'aurait pas pu faire 2 ans après, parce que Severian était un garçon de droite qui était parti avec les socialistes en 1924 de Géorgie, et qui avait rejoint l'Allemagne au moment de la guerre de 40-45, en espérant que les Allemands y iraient jusqu'à Tiflis. Ils ne sont pas arrivés jusqu'à Tiflis, et donc quand il est revenu en France, il était assez mal vu, quoi. Donc ça, il fallait un peu de temps là-dessus. Les Marocains le comité d'établissement était aux mains des Marocains. Donc c'était la population la plus active et la plus militante. Donc ça a été, c'était sur une photo, la première personne qui a parlé publiquement, portée par ses camarades dans les usines Peugeot. On a demandé qui c'était, et c'était Hajmi. Et Hajmi, c'est celui qui est là, et qui a fait fonctionner tout le film marocain du début à la fin. Alors... Excusez-moi, j'étais en train de dire à Sébastien. On le voit dans un extrait télé, justement. Juste avant qu'on voit l'extrait, est-ce que justement l'affiche Un film, le vôtre, a servi justement à amorcer ces rencontres? Voilà. Oui, ça a été le... Ouais. Non, mais parce qu'il était sur une photo dans une exposition, on a demandé qui c'est. Et on nous l'a montré, on a présenté. Voilà, et puis après, une fois que la machine a été lancée... Les Espagnols. Ah, les Espagnols, mais c'est avec le barrage de la CGT. C'est un délégué CGT qui est sorti... Ah oui, Vicente, qui est sorti du groupe en disant « Pourquoi vous virez ce mec ?» Qu'est-ce qu'il a fait ?» Il était Torero, alors. Il était Torero. Torero, c'est lui. Torero.